m'en aller les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel musé, j'étais en féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course. Des rimes, mon auberge, j'étais à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux foufou. Je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. De rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où riment, au milieu des ombres fantastiques, comme délire je tire les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur, de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Où riment au milieu des ombres fantastiques, comme délire je tire les élastiques. De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur, de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.